Chapitre 19. Jésus, après être entré dans Jéricho, traversait la ville. Il y avait là un chef des collecteurs d'impôts appelé Zachée, qui était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait le voir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée se leva et dit au Seigneur, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre quatre fois autant. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Comme il était près de Jérusalem, on pensait en effet que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de noble famille se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela ses 10 serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or et leur dit, « Faites du commerce avec cet argent jusqu'à ce que je revienne. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent des messagers à sa suite pour dire, « Nous ne voulons pas avoir cet homme comme roi. » Il fut nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit, « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » « C'est bien, bon serviteur, lui dit le roi. Puisque tu as été fidèle dans de petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vint et dit, « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi dit à celui-là, « Toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Un autre serviteur vint et dit, « Maître, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardé caché dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme dur, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon retour, j'aurais pu le retirer avec l'intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui cette pièce d'or, et donnez-la à celui qui a 10 pièces. » Ils lui dirent, « Maître, il a déjà 10 pièces. » « Je vous le dis, répliqua-t-il, à celui qui a, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu m'avoir comme roi, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit devant eux pour se rendre à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya en avant 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'anneau, ses propriétaires leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet anneau ?»« Le Seigneur en a besoin, » répondirent-ils. Puis ils amenèrent l'anneau à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. Tandis qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, » disait-il. « Paix dans le ciel et gloire à Dieu. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples de se taire. » « Je vous le déclare, » répondit Jésus, « s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant, « Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, ce qui peut te donner la paix. » Mais maintenant cela t'est caché, tu ne peux pas le voir. Car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands en leur disant, « Les Écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les personnages importants du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment y parvenir, car tout le peuple l'écoutait avec une grande attention.